Clotilde Martory. Au mois d'avril 1871, allée de Versailles à Fontenay-sous-Bois, était un voyage qui demandait plus de 24 heures et qui, si l'itinéraire n'en était pas choisi avec certaines précautions, pouvait présenter des dangers, puisque sur la ligne des fortifications qui va d'Ivry à Asnières, les troupes de la Commune et de Versailles se battaient chaque jour du matin au soir, souvent même une partie de la nuit, et qu'il fallait faire un circuit assez large pour ne pas être pris dans la mêlée. Mais combien curieux aussi était-il ce voyage, et lamentable, le long des routes dont les arbres avaient été coupés, et à travers les villages dévastés par 5 mois de guerre, aux murs des jardins crénelés, aux façades rayées par les balles, éventrées par les obus, avec ça et là des trous noirs qui marquaient la place des maisons incendiées. Maintenant la guerre civile succédait à la guerre étrangère, et la canonnade, la fusillade, les défilés d'artillerie, les marches des troupes, les sonneries de clairons, les batteries de tambours continuaient comme s'il n'y avait rien de changé. Mais ce que les paysans voyaient et n'avaient pas vu pendant la guerre, c'était dans les bois de Saint-Cloud et de Meudon, des cavalcades de gens du monde, qui à cheval ou en break, venaient se donner le spectacle de la bataille du haut des collines d'où l'on a des vues sur Paris. Le temps était généralement beau, l'éclosion du printemps s'accomplissait avec cette immuable sérénité de la nature qui ne connaît ni les douleurs ni les catastrophes humaines, et cet agréable déplacement était un sport qui remplaçait Longchamp, cette année-là fermée pour cause de bombardement. Dans les sous-bois, au carrefour, il y avait des haltes où les claires toilettes des femmes se mêlaient aux uniformes des officiers en jolis tableaux bien composés, comme dans un rallye, tandis que sur les routes passaient et repassaient à la file des omnibus chargés de Parisiens qui allaient de Versailles à Saint-Germain et de Saint-Germain à Versailles, incessamment, toujours en mouvement, comme des abeilles autour de leur ruche, envahies et dévastées par un ennemi contre qui elles ne peuvent que bourdonner, effarées. Quand des lignes françaises ont passé aux lignes ennemies, on ne rencontrait plus ces cavalcades, mais l'aspect des villages était le même. Les troupes allemandes, celles-là, au lieu de marcher à la bataille, s'en allaient à l'exercice, et c'était le défilé successif de tous les uniformes de l'armée. Prussiens, Saxons, Bavarois, Wurtembergeois, et ce qui était un étonnement, c'était de voir sur les murs blancs, souvent au bas d'inscriptions d'étapes en langue allemande, un cri français écrit sous l'œil même des vainqueurs, « Werder assassin ». Parti de Versailles dès le matin, je devais passer par Marly, Saint-Germain, Maison, Argenteuil, Saint-Denis, pour prendre à Pantin le chemin de fer qui m'amènerait à Nogent, et j'espérais, en me hâtant, qu'il ne me faudrait pas plus d'une bonne journée pour faire cette route. Mais comme je n'arrivais à Saint-Denis qu'après le soleil couché, il me fut impossible de trouver une voiture qui consentît à me conduire à Pantin, et je dus me décider à passer la nuit dans un pauvre hôtel près de la gare. Bien qu'il ne fût guère attrayant, ni même engageant, il était si bien rempli de Parisiens attendant là naïvement le moment de rentrer chez eux, qu'on ne put donner aux voyageurs qui ne seraient pas un pensionnaire qu'un cabinet noir, sans fenêtre, sous les toits, et dans la salle à manger qu'une place à une petite table de café déjà occupée. Mon vis-à-vis était un homme de 50 ans environ, de grande taille, au visage fin, à l'air distingué et de tournure militaire. Comme je le regardais, curieusement surpris du contraste qu'il présentait avec les gens dont nous étions environnés, il m'examinait aussi. « Nous n'avons pas trop l'air d'être dans le même commerce que ces pistolets-là, » me dit-il en souriant. Nos noms furent bientôt échangés. Le hasard voulut qu'il connût le mien. Le sien était celui d'un officier homme du monde démissionnaire au coup d'État, dans des conditions qui avaient frappé l'attention publique, et qui, après être rentré dans l'armée au moment de la guerre du Mexique, s'était signalé de telle sorte que pendant plusieurs années, ce nom avait rempli les journaux. On n'est pas romancier, si l'on ne sait pas écouter. J'aurais bien voulu savoir ce qu'il faisait alors à Saint-Denis et ce qu'il attendait dans cet hôtel, mais ce ne fut pas de cela qu'il me parla. Ce fut de sa sortie de l'armée et de ses luttes de conscience à ce moment. Ce fut aussi du Mexique. Notre soirée se passa, lui à parler, moi à écouter, pendant qu'autour de Paris, au sud et à l'ouest, une de ces fusillades folles, comme il y en eut plusieurs sous la Commune, emplissait le ciel d'éclairs fulgurants que nous suivions sur les eaux noires du canal au bord duquel nous nous promenions. L'orage le plus terrible n'eut pas mieux enflammé le ciel et les eaux. Ce fut là, sous cette impression si forte et si poignante de la guerre civile, que me vint l'idée de ce roman qui parut en journal sous le titre le roman d'une conscience et ne pris celui de Clotilde Martory pour le volume que lorsqu'après un certain recul, je sentis que c'était réellement Clotilde qui remplissait le premier rôle et non Saint-Néré.